Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Les gens qui ont écouté le match de dimanche soir de la NFL ont vu que les Falcons d'Atlanta ont un nouveau stade, le Mercedes-Benz Stadium, qui a été construit au coût de 1,5 milliard de dollars. Et ce qui est le fun pour nous, pour la région, c'est qu'il y a une entreprise régionale qui a participé de très très près à ce projet, c'est le groupe POCO de Saint-Nazaire. Question de savoir un peu leur implication dans le Mercedes-Benz Stadium, on parle avec le directeur général Jean-Denis Toupin. Bon après-midi, M. Toupin. Bonjour. M. Toupin, si on parlait de l'implication de POCO dans le Mercedes-Benz Stadium, ça a commencé comment? En fait, nous, une de nos spécialités pour lesquelles on est reconnu, c'est vraiment la fabrication de charpentes métalliques. Et puis, c'est un contracteur qui a obtenu le contrat de fabriquer et d'installer l'entièreté de la charpente métallique du stade qui nous a contactés pour qu'on puisse l'aider à fabriquer cette charpente-là, que ce soit les murs, la toiture fixe ou la toiture mobile, donc de nos installations de Saint-Nazaire puis de la baie. On a fabriqué de la charpente métallique, on l'a peinturé, puis ça a été livré à Atlanta pour être installé là, dans la dernière année. Juste pour il y a combien d'hommes qui ont travaillé sur ce projet-là? Ça a donné combien d'emplois juste pour ce projet-là du Mercedes-Benz Stadium pour Proco, là? Bon, nous, on peut dire qu'on a une quarantaine de personnes qui ont travaillé durant un peu plus d'un an, à presque à temps plein, à fabriquer ça. OK. Ça a parti de Saint-Nazaire, puis il y avait du monde qui ont été logés à Atlanta, j'imagine, pendant un certain temps? Non, parce que on avait un mandat de fabrication seulement. Donc, on était un fournisseur, puis l'installateur était un installateur local sur place. Donc, vraiment, notre rôle, nous, ça a été de fabriquer cette charpente-là. Ça a été installé par des gens locaux à Atlanta. On est allé sur place pour faire des visites, puis aller sur le terrain de football, puis regarder la charpente, puis comprendre la complexité. Mais ça a été installé par des travailleurs de la place. OK. Si on parlait un peu maintenant, comment vous avez fait pour avoir ce contrat-là? C'est un sous-contractant, c'est quoi? Parce qu'une entreprise d'Alma qui réussit à avoir probablement le stade le plus beau de la NFL actuellement. Oui, ben faut comprendre qu'on en a fait seulement qu'une partie. On n'a pas tout fait. Oui, mais une partie, ouais, c'est sûr. Oui. Mais comment on en arrive là? Ben tout simplement parce que on fabrique de la charpente métallique depuis les années 80 et puis on a développé une expertise dans ce domaine-là en faisant toutes sortes de grands travaux d'envergure, beaucoup dans l'industriel, donc dans les mines pour Hydro-Québec, pour les raffineries. On a fait aussi des arénas aux États-Unis, là, chez Stadium, entre autres. Donc au fil des années, les grands donneurs d'ordre nous voient réaliser des projets de charpente métallique. Et puis, à un moment donné, quand arrive un projet de cette envergure-là, avec des échéanciers très courts, ces donneurs d'ordre-là ont besoin d'aide, puis ils nous appellent en tant que fabricants. Puis on leur donne un coup de main pour qu'ils puissent livrer à temps cette charpente-là, puis respecter leurs échéanciers contractuels. OK. Est-ce que c'est la première fois que vous... c'est-tu le premier stade que vous participez ou... Ben, un stade en tant que tel, oui. Par contre, on a fait, comme je vous disais, des arénas assez majeures à Hershey en Pennsylvanie. On a travaillé aux États-Unis, des tours à bureaux, un musée. Vraiment, pour un stade, puis un stade de cette envergure-là, oui, c'est la première fois. Par contre, là, en ce moment, on est en train de travailler un gros projet aux États-Unis qui s'appelle American Dream, qui est un immense centre commercial qui ressemble un peu, pour le type de projet, qui ressemble un peu à ce qu'on a fait pour le stade des Falcons, c'est-à-dire un projet relativement complexe, architectural, avec des formes un peu bizarroïdes. Puis je pense que ce qu'on a fait pour les Falcons, ça nous a donné une belle vitrine pour obtenir le contrat de ce centre d'achat. Mercedes-Benz Stadium. Il y avait Canac aussi qui était impliqué, je pense, là-dedans aussi. Hein. Ça vous a aidé, je pense, à avoir ça. Donc, vous êtes de plus en plus impliqué. Il y a eu des annonces de fait à Oakland récemment pour les A's également, également pour les Rangers Texas. Il y a au moins deux stades qui ont annoncé qu'ils allaient se construire. Est-ce qu'on peut penser que Proko pourrait être un soumissionnaire là-dedans aussi? Pas directement soumissionnaire, mais certainement que si on est appelé à aider, si par exemple c'est une compagnie canadienne qui obtient le contrat de fabrication de charpente, ben qu'on pourrait éventuellement, oui, participer à ça. Puis des fois, c'est directement ou indirectement. Des fois, on fabrique des coffrages qui sont utilisés par des compagnies de béton pour faire, par exemple, un stade pour les Yankee Stadium ou des choses comme ça. Ouais. Des fois, on est impliqué d'un peu plus loin. C'est moins connu. Mais oui, on est toujours ouvert à ce genre d'opportunités-là. Par contre, c'est sûr qu'on privilégie les projets qui sont dans la région aussi ou au Québec parce que ça nous fait travailler plus de monde, nos installateurs, nos gens qui sont sur les chantiers puis qui installent la charpente. C'est aussi de nos employés qu'on veut faire travailler. Donc, c'est sûr qu'on privilégie ces projets-là. OK. Donc, on va suivre ça évidemment de près. Je voulais vous parler dans un deuxième temps. Vous avez été impliqué de très, très près dans les Jeux du Québec d'Alma. Il y avait une conférence de presse ce matin. Vous avez annoncé un bilan fort positif de plus ou moins 7 millions en fait de retombées économiques. Les coûts ont coûté 5,3 et des retombées 12. Donc, au net, c'est plus 7. Donc, on peut dire que c'était très, très positif aussi, là. Ben en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a 6,6 millions d'argent neuf qui a été dépensé par les spectateurs pendant la période des Jeux du Québec. Puis en plus de ça, ben il y a notre budget de 5,3 millions d'opérations qui a été dépensé aussi dans la région. Donc on a en fait des retombées économiques nettes, sans compter les investissements qui ont été faits, par exemple, dans le centre de sport ou ces choses-là, de 12 millions de dollars. Puis notre budget de 5,3 millions de dollars, ben est un, on considère aussi que c'est un succès parce qu'on a réussi à livrer la marchandise avec ce budget-là, puis aussi à dégager un léger surplus qui va être utilisé comme legs pour développer l'excellence sportive chez les jeunes. Et ça, c'est vraiment, au-delà, là, il y a l'enthousiasme également, le dynamisme que ça génère à obtenir les Jeux du Québec aussi. Là. J'imagine que ça, c'est pas chiffrable non plus. Là. Ben, c'est pas chiffrable, mais c'est palpable. Ouais, oui, hein. Parce que quand on réussit à mobiliser 3100 bénévoles, qu'on les fait travailler, puis que les gens nous disent « Ah bon, on est un peu déçu que ça soit terminé, on a fait bénévole. » Quand on se fait féliciter par Sport Québec, puis ben on se rend compte que finalement, dans notre région, on est capable d'organiser des grands événements, des événements de masse. Faut savoir qu'il y a 21 000 visites sur les sites qui ont eu lieu pendant les 10 jours sur les 14 sites. Donc, c'est des événements qui sont majeurs. Saguenay a fait la démonstration il y a 4 ans de ça, puis nous, on a refait la démonstration. Donc, ce qu'on dégage, ce qu'on comprend de ça, c'est qu'au Saguenay avec Saint-Jean, on est capable d'organiser des événements d'envergure. Entre autres, des événements du sport. Ben, bravo, M. Toupin. Bravo pour les Jeux. Bravo également pour la construction. Puis j'espère que vous allez être dans le projet du nouveau stade à Montréal des Expos. On sait qu'il y aura une annonce éventuellement. Donc, ce serait bien le fun que Proko, une entreprise de la région, participe à la construction de notre beau stade au centre-ville. Non, on est content quand il y a des beaux projets qui sont annoncés. Oui. Jean-Denis Toupin, directeur général de Proko d'Alma.